marque un peu les filles. Allez, marquez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG 90.7 de la bande FM, rigfm.fr. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 537e émission Jolly de A à Z, ici donc sur RIG. Et ce soir, nous allons écouter, bah oui, vous allez me dire, c'est le premier mercredi du mois, donc on va écouter Jonah Hédé en live. Mais pas n'importe quel live, des lives de télévision. On va démarrer de Johnny de 1962 jusqu'à Johnny 2011, avec plein de passages de télévision, ça peut être aussi bien les télédimanches, comme le palmarès des chansons, comme les rendez-vous du dimanche, comme les sacrées soirées, taratata, les shows même de Johnny Hallyday et les victoires de la musique. Installez-vous bien, nous allons partir pour plus de 2 heures de musique. Oui, oui, plus de 2 heures. Et si ça vous dit de faire un petit tour du côté du Moulin Rouge à Paris, ça c'était en 1962, c'était lors de l'émission de Ed Sullivan, le Ed Sullivan Show du 1er juillet 1962. Il faut dire que les chansons de Johnny ont été enregistrées en décembre 1961. On va retrouver deux titres, Hey Pony ou Pony Time si vous préférez, et aussi ainsi que le titre Kitty Watch. Je vous laisse en compagnie de Johnny Hallyday en live avec des passages de télévision. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne écoute sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Rouge in Paris, where once Toulouse-Lautrec did his sketches, here is European rock and roller Johnny Hallyday. Hey Pony. Hey Pony, hey hey hey Pony, oh reviens chez moi. Hey hey hey Pony, oh j'ai tant besoin de toi. Oui hey Pony, hey Pony, oh oh oh. Je revois ton beau visage et je revois tes yeux comme un lion en cage. Moi je deviens furieux. Oui hey Paul, hey Paul, oh oh oh. Ouais. Ta mère m'a dit au téléphone, vous n'êtes pas fou. Moi ça m'étonne. Elle est sûrement chez vous. Oui hey Paul, hey Paul, oh oh oh. Mais c'est vrai que ma fête, c'est toujours lui. Et avec tes cigarettes, chérie, te vas-y. Oui, hey Paul, hey Paul, oh oh oh. Hey Paul. Oh, embrasse-moi. Oh, embrasse-moi encore. J'ai dit je n'aime que toi. Oui, hey Paul, hey Paul, oh, oh, oh. Oui, hey Paul. Ta mère m'a dit au téléphone, vous n'êtes pas fou. Moi ça m'étonne. Elle est sûrement chez vous. Oui, hey Paul, hey Paul, oh, oh, oh. Kill it, kill it, kill it.

chanson pour vous, mademoiselle. Mon histoire est une histoire comme on en voit tous les jours. On croit pouvoir s'aimer pour la vie. Ce que l'on a cru un jour, on peut y croire pour toujours. Mais déjà, on se perd dans la nuit. Détourné de moi. Pourtant elle cachait ses yeux dans ses cheveux pour pleurer. Je cherche encore à savoir pourquoi. Je l'aime. Je l'aime. Je ne l'oublierai jamais. Je la cherche dans les rues comme un fou. Lors du palmarès de la chanson, le 7 avril 1966. Et comptez toujours, même date, avec Le Diable me pardonne. La chance m'abandonne, ça m'apprendra à être. Me voilà en prison, la fille que j'aimais. Le jour, la nuit sifflait. Petit oiseau, moi j'adore les oiseaux. Le diable me pardonne. Mon idée était bonne. À la fenêtre, un jour je l'ai poussé, mais je n'ai pas volé. Encore pire, elle n'aimait que les diables me pardonnent. Mon idée était bonne. Quand j'en gavais, oui, j'ai mis de la mort au rat. Elle dort depuis 6 mois. Sont méchants, j'en étais courageant, et j'en jugeais, oui, que ma manière d'aimer présentait de danger. Le diable me pardonne, ma chance m'abandonne, ça m'apprendra à être bon garçon, les femmes me perdront. Ouais, le diable me pardonne, ah, le diable. Le diable me pardonne. Hey, le diable.

ce soir, c'est les thèmes de l'émission Johnny 2 à Z, la 537e émission, live télévision, comme là par exemple Télédimanche du 11 juin 1967. On a entendu Je suis seul et voici Noir c'est noir. Oh, dimanche du 29 septembre 1968 avec deux titres, donc Jeune homme et celui-ci, Mal. Vous écoutez Érigé, la radio de Johnny le mercredi soir, avec ce soir Johnny RLD en live, live télévision. Nous sommes dans les années 70 à présent, exactement le 10 août 1971. Johnny Hallyday est dans l'émission Bienvenue chez Guy Béard. Il interprète trois chansons, Dead or Alive, Home Over the Range et La fille aux cheveux clairs. Your heart run and kill. No, sir. No. je dois dire que c'est des chansons que j'ai pas chantées depuis... 40 ans. Non, mais 10 ans, quoi. 10 ans. Mais je m'en rappelle parce que pour moi, ce sont des classiques de la musique de laquelle j'ai commencé, enfin, comme celle de Presley ou celle-là, ce que j'écoutais à l'époque beaucoup, Lenny Donegan. L'acoustique pour revenir à l'électrique dans l'émission Cadet Roussel présentée par Guy Lux. C'était le 14 juin 1973. On va y retrouver deux titres, Le Feu et J'ai besoin d'un ami.

version où Johnny ne se plante pas dans ce titre. On le retrouve quelques années plus tard, en 1979, dans les Rendez-vous dimanche de Michel Drucker, avec deux titres, Tout m'enchaîne et Dommage, extrait d'album Hollywood. Se faisait docile, hein, quand le mien le voulait. Tu m'enchaînes, mon amour, oui, tout m'enchaîne. Tu m'enchaînes, et mon cœur est en prisonnier. Pour

et Joe Greco à guitare. Merci beaucoup. Et non, putain, pour le Parc des Princes, Johnny retrouvé, ou du moins Joey Greco retrouvé Johnny sur scène. Nous sommes à présent en 1994, lors du Taratata, spécial album Rough Town. On va y retrouver deux titres. Can't Stop Wanting You et le titre Full for the Blues. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny, dès le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. can see it in your smile. Oh, it's like a drug now. You're addicted to the blues. Always getting high. Nice and time you're here. Those be the words. How that hurt me, baby. But did someone hurt you bad? Oh, all of this pain. Nagui avec de Taratata pour retrouver Jean-Pierre Foucault à nouveau dans les années tubes en 1996 où Johnny interprète Restez libre. Je

Johnny. Ça peut changer le monde, et Johnny vous l'a dit, une tournée peut être longue également, surtout une tournée d'adieu, il en a beaucoup d'adieu à faire. Il prolonge sa tournée à partir du mois de septembre également jusqu'à la fin de l'année, on peut encore un peu dire. Vous le savez tous, c'est avec Mathieu Chédid que j'ai travaillé sur mes nouvelles chansons. Pourtant, celle-là, c'est pas une nouvelle. Mathieu avait très envie qu'on la joue ensemble. Il m'a pas fait un cadeau parce que cette chanson, je l'ai pas chantée depuis longtemps, mais elle est pas facile à chanter. Mais bon, ça commence comme ça, quand on revient la nuit. Le show Johnny du 26 mars 2011. Sortez sur TF1. Je m'ennuie, je pense à toi. On retrouvait John Hallyday sur l'antenne de Canal+, dans l'émission Le Grand Journal, le 28 mars 2011, pour interpréter deux titres, Hey Joe et Guitar Hero. C'est-à-dire que moi, jouer de la guitare à côté de Mathieu, j'ai les boules quand même. Attends, et moi chanter à côté de toi, c'est pas évident non plus, tu vois, genre. Alors y a de quoi faire un beau duo alors. Ok. Hey Joe, on va comme ça aller, et après peu chez toi. Thank you. c'est... C'est flippant de jouer la guitare, toi, Delphine. Le grand journal de la suite en direct avec la spéciale Johnny Hallyday. Voici Johnny en live. J'y ressemble à quoi? J'y ressemble à quoi? Avec cette guitare dans le dos. Non, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, je ne pourrai jouer. Hey Joe, j'ai beau toucher le bois, j'ai beau toucher le bois. Oh non, jamais j'aurai tes doigts, jamais tes doigts, non jamais. Pas de course à rebelle, y a pas de hasard. Ni le héros sans guitare. Hey, je file de l'instant, je file de l'instant, me file la prison. Surtout pas le rendre. Non, jamais. De Nagui, Taratata, encore une fois, Johnny défend l'album, son album, mais ce n'est pas l'album Jamais Seul qu'on va écouter, c'est deux extraits de l'album Flagrant Délit qu'on va écouter, qu'on en parlera ce mois-ci, au mois de février, fin février on en parlera, mais en attendant on va écouter Hommage à Lissahara et Fils de Personne en live en 2011. We'll be right back. joli ça. De bonnes émissions de télévision, hein, comme cette Taratata, comme les Russes, Sacré Soirée, aussi les Télédimanches et tout ça, les numéros 1. Merci à toutes et à tous d'avoir participé et d'avoir écouté cette émission qu'on retrouvera prochainement en podcast sur toutes les plateformes podcast que vous voulez. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Puis n'oubliez pas qu'à la fin du mois de février, on va se retrouver pour une émission spéciale sur le livre-disque Flagrant Délit qui sort enfin, qui va sortir enfin enfin dans le commerce. À bientôt, à toutes et à tous. Bonne nuit, ciao ciao. RIG, un style, trois lettres.